Petit mousse, un soir chantait, il disait la main qui aide, les mots loin, la enchantée. Filez, filez, mon navire, car le renard m'attend là-bas. Filez, filez, mon navire, car le renard m'attend là-bas. Le grand mât de cette corvette, un petit mousse. Un soir chantait, il disait la main criette, et oh maintenant, filez, filez, au mon navire, car le bon gars s'en va là-bas. Filez, filez, au mon navire, car le bon gars s'en va là-bas. Hey, c'est bon.